Jeudi 29 septembre, bon midi. Ici Dominique Lelièvre pour les informations. D'abord, un accident de train a fait 3 morts et 100 de blessés au New Jersey, dans la banlieue ouest de New York. Plusieurs blessés se trouveraient dans un état grave présentement. D'après les premières informations, le train n'aurait pas ralenti à son arrivée à la gare d'Hoboken vers 8h30 en pleine heure de pointe. L'endroit est très achalandé par les habitants de la banlieue qui transitent pour se rendre sur l'île de Manhattan. Rappelons qu'en mai 2015, un autre accident, le pire dans l'histoire récente des États-Unis, avait fait 8 morts et près de 200 blessés à Philadelphie. Plus près de chez nous, un homme de 27 ans doit comparaître aujourd'hui pour avoir proféré des menaces de mort à l'endroit du maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Le suspect s'en serait pris au maire dans différentes déclarations sur les réseaux sociaux. La menace a été prise au sérieux par les autorités du fait que l'homme possède des antécédents judiciaires. L'individu a été arrêté hier et a passé la nuit en détention. À Charlebourg, la consultation publique du 4 octobre sur le projet immobilier controversé qui prévoit la construction de 85 maisons près de la rue d'Orval, eh bien la consultation publique est annulée et reportée à une date inconnue pour le moment. La Ville de Québec affirme qu'elle doit procéder à des vérifications et des analyses devant le conflit entre différentes cartes, donc la carte du gouvernement indiquant que le secteur se trouve dans le bassin versant du lac Saint-Charles, tandis que celle de la Ville affirme le contraire. Enfin, la protectrice du citoyen déplore la qualité des services offerts par le gouvernement du Québec. Dans un rapport de 167 pages rendu public aujourd'hui, Raymonde Saint-Germain affirme que l'austérité a fait davantage mal aux plus vulnérables. Ce serait le cas notamment en ce qui concerne les bénéficiaires de soins à domicile, où les heures ont été réduites pour certains bénéficiaires. La protectrice du citoyen qui cite également des délais plus longs et de nombreux reports, de même dans certains cas qu'il y aurait eu des dénis de service. Elle déplore aussi une interprétation rigide des lois qui se serait fait au détriment des droits et des intérêts des citoyens.